fans de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Casque sur les oreilles, barbichette fleurie, Yves est installé à la technique, Daniel en votre compagnie avec Dominique et Serge pour vous présenter cette émission dédiée à la chanson française de tous les temps. Bonjour Dominique! Bonjour Daniel! Bonjour Serge. Salut Daniel. Tu peux peut-être nous présenter les stagiaires, Serge, qui alors, vont nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y en a trois. Oui. Une jeune fille. Oui. Tu vas nous rappeler son prénom. C'est pas Célestine. Non. Non. Pas Augustine. Célestine. Non. Non. Célestine. Célestine. Célestine. Allez, Ismaël. On va voter pour Célestine. À ma droite, Ismaël. Oui. Et à la technique, pour l'instant, Benjamin. Eh ben bravo, oh, tu t'en es bien tiré. J'ai une mémoire, mais une mémoire. L'humeur du jour. L'humeur du jour, elle est printanière. Tout va bien? Ouais. On s'est pas envolé. Heureux d'être là. Heureux d'être là. Ah ben c'est vrai qu'il y a un mois, il fait du vent. Hein. On s'est pas envolé, donc on est content d'être là. Ouais. On est revenu. Remarque, on a le poids pour quand même. C'est voilà, on a du poids dans les chaussures. Un jury neutre et impitoyable qui casse les chansons de chaque émission et qui donne aux trois premières l'occasion de se représenter. Et sans plus attendre, voici les résultats de la précédente cerise sur le canto. C'était l'émission numéro 37. Eh bien, pour la médaille de bronze, nous avons le plaisir d'entendre Cadeau de Marie Laforêt. En médaille d'argent, eh bien, on verra ça tout à l'heure. Hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner. Quand mon petit garçon est entré, il m'a tendu un morceau de papier griffonné. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Je l'ai lu. Et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions, 1,25 francs. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 1,10 francs. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 9,85 francs. Je l'ai regardé. Il se tortillait en mâchant son crayon. Et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai pris son crayon, j'ai retourné la feuille, et voilà ce que j'ai écrit. Pour 9 mois. Et quand on fait le tout, le total de mon amour, c'est cadeau. Quand il a eu fini de lire, il avait un gros chagrin dans les yeux. Il a levé la tête et a dit: Maman, je t'aime très beaucoup. Il a repris son papier, l'a retourné, et en grosses, grosses lettres, a marqué « Cadeau ». quand on fait le tout, le total de l'amour, c'est ce cadeau. Médaille d'argent, Joyce Jonathan, Vianney, les filles d'aujourd'hui. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps, on se défie. Sont déroutantes les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache. Alors, avant d'annoncer la médaille d'or, on va ménager le suspense. Roulement de tambour. Anglais. Bon, oui, roulement de tambour. Daniel, une question. Oui. Tu dis fan de chansons françaises, toi oui. Qui es contre tout ce qui est anglo-saxon. On ne pourrait pas dire non, fan. Non, c'est pas que je fan, suis contre. Fan. Alors, tu m'ouvres le débat, là. Il y en a pour un moment. Il va falloir qu'on raccourcisse des morceaux. Non, j'estime que nous sommes envahis par les disques américains. Je n'ai strictement rien contre, mais quand on dit variété internationale, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, ce sont des disques qui viennent des États-Unis. Il y en a marre, la culture française, ça existe. Je n'ai rien contre les variétés internationales, à condition qu'elles soient vraiment internationales et qu'on ne soit pas coincé dans une guerre de culture. Allez, je te propose la prochaine fois qu'on débatte sur le prochain prix Eurovision. Eh ben, la France, par exemple. Ah, bon, oui. On en rediscutera. Allez. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle soit dévoilée. Une chanson qui paralyse pas. C'est Nathalie André hein, qui a fait la sélection. Nathalie André, c'est déjà elle qui a sélectionné le groupe qui chantait en anglais. et qui a fait dernier ou avant-dernier, je ne sais plus. Donc effectivement, oui, elle a de l'expérience. On en discutera. Oh, je vous sens oui. tout. Je crains qu'une chose. Je crains qu'une chose, c'est que ce brave Tom Leb nous chante en américain. Alors là, non, ça serait non. Une catastrophe. Non, une catastrophe. Tu nous fais une dépression. Alors, notre médaille d'or, c'est Lilian Renaud, un petit fromager, je crois, qui avait participé à The Voice. Pourquoi pas ? Et le titre, c'est « Quoi de plus beau ?» Médaille d'or. Si on avait tous de la terre dans les mains, les racines de la vie, les racines pour la vie. Regardez l'horizon, les pieds dans les foins, pour que poussent les fleurs, vienne la pluie. Si on avait tous de la terre dans les cœurs, les racines de la vie, les racines de l'humanité. Sentir les regains dans les vents d'été. Et que poussent les fleurs aux mille couleurs. Monsieur le Président, il y a des hommes qui pleurent sur le bord des rivières. Il y a des hommes qui meurent sous le poids de leur terre, dans la terre de leur père, mais dans la terre de leur môme. Balayer la terre dans le dos des hommes. Il y a qu'en haut qu'on gagne la récolte des graines. Il y a qu'en haut qu'on chante du pognon dans les veines. Mais c'est dans la terre que meurent les hommes. Dans le vent des campagnes, on entend les cris. Dans le vent des campagnes, on peut sentir la vie. Paysans de la terre, paysans qu'on oublie. Paysans pour la vie, un suicide chaque nuit. Monsieur le Président, il y a des hommes qui pleurent sur le bord des rivières. Il y a des hommes qui meurent sous le poids de leur terre, dans la terre de leur père, mais dans la terre de leur môme. Pourtant, quoi de plus beau qu'un champ de blé sous le soleil? Un trèfle à quatre feuilles, toutes les merveilles. Quoi de plus beau, quoi de plus beau. Il y a des hommes qui pleurent sur le bord des rivières. Il y a des hommes qui meurent sous le poids de leur terre, dans la terre de leur père, mais dans la terre de leur môme. Si on avait tous de la terre dans les cœurs, les racines de la vie, les racines de l'humanité, sentir les regards dans les vents d'été, et que poussent les fleurs aux mille couleurs. Place à la sélection du jour. Et vous vous souvenez d'elle, les garçons? Comment elle était? Belle. Belle. Elle était Marie-Paul aussi. Aussi. Marie-Paul Belle est une chanteuse et pianiste française. Son père était médecin et sa mère femme au foyer, d'origine corse. Marie-Paul a appris le piano avec sa maman à l'âge de 3 ans. Après une maîtrise de psychologie, elle gagnait Paris pour y poursuivre ses études et surtout pour jouer dans les cabarets. Et sa première apparition télévisée remonte à 1973 sur le plateau de Philippe Bouvard, qui lui demanda de chanter une chanson humoristique qui évoquait le doute du génie de Mozart, et laissant penser que sa sœur aînée y était pour beaucoup dans la composition de ses symphonies « Wolfgang et moi, Marie-Paul Belle ». C'est fini, la sourdine, je rue dans les brancards. Je suis Léopoldine, la sœur de Mozart. Et comme la renommée n'est pas un boomerang, je n'aurais pas dû le laisser signer Wolfgang. Wolfgang et moi, on s'aimait bien quand même. Lui était fort à bras, moi j'étais forte en thème. Aujourd'hui, sous son nom, mes œuvres sont jouées. Tout ça parce que je n'osais pas lui dire non. Quand il passait son temps à jouer à la poupée, tandis que j'écrivais ses symphonies, bidon. Wolfgang et moi, c'était comme chien et chat. Il faisait le joli cœur avec mes droits d'auteur. Wolfgang, qui Figaro, et patati patati patata, et patati patati patata, et patati patati patata, et patati patati patata. Quand papa recevait les marquises au clavecin, Wolfgang leur racontait des bluettes et des trucs. Ses fourberies à lui valaient de sang. Et moi je me faisais suer à finir la marche turque. Wolfgang et moi, c'était le bon vieux temps. Il jouait les Don Juan, moi je le Après une chanson de 1927, extrait de l'opérette Conte Obligado, reprise dans un film du même nom. Alors cette chanson est une parodie comique des chansons réalistes à la mode, sur un rythme de marche gai et entraînant, qui évoque la triste et misérable condition d'une jeune fille qui, par amour, suivait une caravane bédouine dans un Sahara traversé par des ânes et planté de bananiers. C'est tout toi, Dominique, ça. Franchement, je t'imagine. L'effet comique est principalement obtenu par l'énormité de son malheur. Son calvaire dura 60 ans. Elle dut se prostituer pour vivre et connut 1200 chameliers et 1800 âniers qui en firent leur sultane. Quel programme! Eh bien, je marchais jusqu'à s'user mes jambes et devenir cul-de-jatte, jusqu'à en perdre la rate et malgré tout marcher encore. La fille du Bédouin, George Milton. Il y avait à Sidi Ogba, bien avant la guerre, un Bédouin qui était le papa d'une jolie mouquère. Mais une caravane campa qui venait du Caire, sans manière par derrière la petite décampa. La fille du Bédouin suivait nuit et jour à cette caravane. Elle mourait d'amour pour un jeune Bédouin de la caravane. Et le petit ânier dans les bananiers chipait des bananes que la fille du Bédouin rangeait avec soin dans son petit couffin. Mais voilà ce qu'elle endura quand elle fut en route. Elle dut en sortant de Biskra pour gagner sa croûte, céder son petit cédra et sa petite moumoute. Coûte que coûte, y'a pas de doute à cesser les rats. La fille du Bédouin suivait nuit et jour cette caravane. Elle connut tour à tour tous les autres Bédouins de la caravane. Et tous les chameliers et tous les âniers en firent leur sultane. La fille du Bédouin avait trouvé le joint pour garnir son couffin. Elle a suivi 60 ans et par toute l'Afrique, du Maroc jusqu'au Soudan, comme une pauvre bourrique. Et elle usa toutes ses dents à bouffer des briques, sans réplique, à coups trique, on la pousse tout le temps. La fille du Bédouin suivait nuit et jour cette caravane. Elle connut tour à tour les 3000 Bédouins de la caravane. 1200 chameliers, 1800 âniers, portèrent des bananes. Et sans trouver la fin du couffin de la fille du Bédouin. Bédouin avait trouvé le joint pour garnir son couffin. Un piano voix écrit et composé par Madame Monsieur qui parle de lui comme le renouveau de la variété française. À 23 ans, l'artiste qui suit a déjà un vécu tout particulier de Marseille à Paris. Jesse Will a enchaîné les petits boulots, du rêve plein les poches. Les scènes ouvertes lui ont permis de s'exprimer sur des chansons des autres, mais avec une émotion toute particulière. Le voilà maintenant dans un extrait de son nouvel album Carpe Diem, sorti en 2019. Et on écoute Si le monde est fou, Jesse Will. Passer sous les ondes entre les moteurs, vissé dans un jean, j'ai du son dans les écouteurs. J'évite les bombes et les marteaux piqueurs. Un pied dans la tombe, un dans le viseur. Il fait bon ce matin, j'ai pas peur. La France, qui avait gagné le concours Eurovision de la chanson l'année précédente, aurait dû organiser l'édition de 1963. Malheureusement, pour des raisons de problèmes financiers de pépette, la France céda sa place au Royaume-Uni et c'est à Londres que se déroula la finale du concours. 11 pays étaient représentés et c'est le Danemark qui l'emportait, la France se classant 5e. Et la chanson française, interprétée et composée par Alain Barrière, était une ballade qui évoquait une fille qu'il avait connue. Sur sa façon dont elle était jolie, mais hélas trop belle pour lui, au point qu'il ne pourrait jamais l'aimer. Elle était si jolie à la barrière. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait, elle est bien trop jolie, et toi je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui mais elle est partie, c'est bête mais c'est vrai, elle était si jolie. Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne qu'il est loin le printemps. Elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent. Je n'oublierai jamais. Les deux frères avaient annoncé une pause dans leur carrière, mais ils occupent plus que jamais le devant de la scène, et c'est pour gâter leurs fans, pour les remercier de leur indéfectible soutien, que Guy Flo et Oli ont décidé de leur dédier cette dernière chanson. Les Toulousains qui ont sillonné la France de Lille à Marseille en passant par Brest et Lyon en profitent pour évoquer les petites rivalités entre les villes, tout en soulignant la beauté des monuments pour célébrer la richesse de la culture française et mettre en avant le vivre ensemble. Bienvenue chez moi, Big Flo et Oli. T'es déjà parlé de Bordeaux? Non. Sur les quais, on aime appeler les jolies filles taillées comme des cannelés. J'ai vu l'étendue des vignobles à travers le hublot. Miroir, miroir d'eau, dis-moi qui est le plus beau. Je suis passé en Normandie, j'ai vu les villes et les plages. Mais pour pas te mentir, j'ai surtout vu des vaches. J'ai vu des lions et des lionnes au cœur rugissant. Un havre de paix quand je suis passé par Rouen. Un arrêt à Lille, c'est vrai que c'est pas la plus belle des villes. Mais sur la grande place, je me suis comme senti libre, senti petit, senti ch'ti dans le décor. Les gens étaient plus chaleureux que le temps dehors.

et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux, et l'injustice rebelle, Paris ou Santiago. Nous parlons même langage, et le même chant nous lie. Une cage est une cage, en France comme au Chili. Comment croire, aux pas pesants des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire, comment croire aux femmes des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Sous le fouet de la famine, terre, terre des volcans, le gendarme te domine, mon vieux pays arrogant. Pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, triste et beau comme le cuivre au désert d'Atacama. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo. Symbole de Paris et de la France, la Tour Eiffel a fait l'objet de nombreuses représentations artistiques sous divers supports, peintures, photographies, films, séries, téléfilms, documentaires et écrits littéraires, et la chanson n'est pas en reste. Une œuvre de 1900, paroles de Richard Monroy, musique de Désiré Dio. Ça ne vaut pas la Tour Eiffel, Elsa le poivre. Le lendemain de mon mariage, Daniel fit la proposition d'aller faire un petit voyage à Paris pour mon instruction. Au Champ de Mars, nous arrivâmes, en passant sur le pont d'Iéna. Il me dit, regarde ma femme, un monument qui t'étonnera. C'était une tour magnifique, en fer se dressant vers le ciel. Et je m'écriais, c'est magique. Ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau la tour Eiffel. Il me semblait voir un colosse, aux membres de fer et d'airain, dans un accès d'amour féroce, se dressant d'un bond surhumain. Elle était si grande et si belle, la tour avec son ascenseur, quelle masse, quel fier modèle, et je sentais battre mon cœur. Comme dans un rêve extatique, j'eus un plaisir surnaturel et dis tout bas d'un air pudique. Ah Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau la tour Eiffel. Mon mari, surpris de ma joie, me dit, ce n'est pas sans talent, mais chérie, il faut que tu voies un autre plus beau monument. Détourne tes yeux de ce dôme, et puis tous les deux nous irons contempler la place Vendôme et la tour faite de canons. En fiacre, en quelques tours de roue, je vise un culot solennel et je dis en faisant l'amour. Ah Daniel, mon cher Daniel, ça ne vaut pas la tour Eiffel. Mais voilà mon Daniel qui bisque et qui me répond, c'est très bien. Allons alors voir l'obélisque, c'est un monument égyptien. Il me montre miséricorde, un monolithe, un petit nain, sur la place de la Concorde, se dressant chétif et mesquin. Je crus que c'était une niche, et je lui dis d'un ton cruel, ça me rappelle les tétiches. Ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel, ça ne vaut pas, ça ne vaut pas la tour Eiffel. Enfin fatigués, nous rentrâmes à notre hôtel continental. Daniel voulut tout feu, tout flamme, user de son droit conjugal. Il avait soufflé la bougie et me disait très allumé: je crois ce soir, oh ma chérie, que je ne t'ai jamais tant aimé. Pour moi, je ne voulais plus rien croire, à rien qui ne soit surnaturel. Pourtant je dis dans la nuit noire: ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel. Non. Ça ne vaut pas, ça ne vaut pas. Ça te fait rire, Daniel, hein? Elle te fait rire, cette chanson? Oui, beaucoup. Bien. Alors, dans la suite, dans la prochaine chanson que nous allons écouter, Angèle évoque la rupture avec son compagnon. L'artiste chante l'indécision à la fin de sa relation amoureuse. Nous écoutons Oui ou non, Angèle. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis, quand je souris trop fort. Alors que mai 1968 contestait l'ordre établi en France et en Allemagne, d'autres pays s'enfonçaient dans la dictature. Et rien que sur le continent européen, le problème se posait pour l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Et le pâtre grec ne pouvait rester indifférent. D'où cette chanson de 1969, paroles et musique de Georges Moustaki, « Il est trop tard ». que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin, il est déjà demain. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus, moi je n'ai jamais su. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour, m'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps. Jean-Claude Vanier est un auteur, compositeur, interprète et arrangeur de musique. Même un célèbre arrangeur, surnommé l'arrangeur des arrangeurs. Morane avait 16 ans quand elle le découvrit. C'était en 1977, dans un théâtre de Bruxelles. Il dirigeait Claude Nougaro. Impressionnée par cet arrangeur, Morane prit son courage à deux mains. Pour le rencontrer, elle lui demandait de lui écrire des chansons. Tu parles de Sophie Envoyée sur les roses. En effet, à cette époque, Morane n'avait aucune notoriété. Elle chantait dans des cabarets ou dans la rue, au stade confidentiel, et cela ne signifiait rien pour Vanier de lui écrire des chansons. Et lorsque Morane eut acquis une certaine célébrité, c'est Vanier qui revint vers elle, puis il se souvenait de rien du tout, lui. Bien sûr. Et après avoir écouté sa proposition, Morane lui dit « Attendez, je ne chanterai pas cela, et puis on ne peut pas toucher à ce prélude numéro 1 de Bach, une chanson où l'on fait rimer pot de colle et casserole. » Elle était choquée. Mais comme elle avait une totale confiance en Vanier pour son expertise artistique, elle se remit en question. Et elle a bien fait. Sur un prélude de Bach est devenue la chanson référence de sa carrière. On écoute Morane sur un prélude de Bach. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'en va vers le port du Havre et les baraques et les cargos lourds que l'on rafistole et les torchères, les grues patraques. Les citernes de gasoil. Et toi qui courais. Bestiole, moi, lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds, les peines qu'on bricole et toutes mes erreurs de zodiaque et mes sautes de boussole et toi les pieds dans le flac et moi ma tête à claque, j'ai pris les remorqueurs pour des gondoles, et moi, moi je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques. Bazard au prix du pétrole pour des cols blancs et des corbacs et oh, oh, oh. Qui se foutent de Mozart. Ce qui suit une chanson pop sur le thème de la fratrie et de la nostalgie, issue d'une collaboration qui risque de faire parler d'elle, Boulevard Désert, Patrick Bruel, tous les deux. Comme nous avions la tête ailleurs et dans le vent, comme nous mettions du merveilleux plus souvent, comme nous avions quelques épis toujours en tête, comme de fanions qui se balancent sur la fête. Et ce ballon qui roule et roule et roule encore, et ce grand-père qui perd la boule, mauvais sort. Et le goûter dans le jardin sous les tilleuls, frérot jamais au grand jamais tu ne seras seul. Comme nous étions frères de ci, frères de ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans nos bras. Comme nous sommes fiers de ci, fiers de ça. Et se regardent dans les yeux, tous les deux. Nous étions guerriers, marins et cosmonautes, comme nous serions chanteurs, pompiers et rien d'autre. Comme on ne savait rien du temps qui rend amer, comme la mer n'était pas un mur, mais la mer. Et cette musique qui tape et tape et tape encore, et ce coup franc que je frappe, tu la sors. Et cette grand-mère qui veille sur nous sous les tilleuls, frérot jamais, au grand jamais, tu ne seras seul. Comme nous étions frères de ci, frères de ça. Et aujourd'hui... dans l'ombre. Comme nous sommes fiers de si fiers de ça. Et se regarder dans les yeux, tous les deux. Nous étions guerriers, marins et cosmonautes. Comme nous serions chanteurs, pompiers, mais rien d'autre. Comme nous avions quelques épis toujours en tête. Mmh, et se regarder dans les yeux, tous les deux. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 38, consacré à la chanson française de tous les temps. Merci à Yves, merci à Benjamin, merci à Ismaël et merci à Célestine pour la partie technique. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouverez le podcast de cette émission, bien sûr, en vous rendant sur le site de Radio Fadjet Nancy. Et la liste des chansons se trouve sur la page Facebook de l'émission. Et à part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et nombreux à Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchez sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Ça, c'est pour les Lorrains. Et radiofadjet.net, ça, c'est pour les autres Européens. Allez, nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir. Au revoir. Au revoir.